L'actualité à Nancy et ailleurs. Chers auditeurs, préparez-vous à une soirée exceptionnelle. Le Gros Clou revient le 28 juin 2024 à 20h pétante. Venez découvrir les meilleurs humoristes de la scène, prêts à vous faire rire aux éclats avec leurs sketchs hilarants et leurs numéros de stand-up inédits. Ne manquez pas cette opportunité unique de rire. À cette occasion, nous avons l'honneur d'accueillir avec Lynn. Bonjour. François Barthélémy. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, je suis content d'être avec vous là. Qu'est-ce qu'est le Gros Clou? Alors on va expliquer déjà en reprenant un peu la genèse du Gros Clou. Le Gros Clou, il est né par le close-up, qui on va dire peut-être le petit clou. On était dans un bar, on est en 2013. Ce bar Place des Vosges s'est appelé le Clou du spectacle et on y a créé le close-up parce que c'était la période de la création des scènes un peu de stand-up en France. C'est un peu l'évolution dont Diabel Debouze était au départ. C'est-à-dire qu'il a amené par son comédie club la possibilité à des jeunes humoristes de se produire avec un sketch de 8-10 minutes. Bon, on s'est dit, on va faire pareil à Nancy, nous. Alors, on n'est pas si loin de Paris, donc on peut le faire aussi. Et le close-up est né comme ça dans un petit bar, 30 personnes. Ça fonctionnait. On est passé dans une salle un petit peu plus grosse, qui est la MJC Pichon, qui est juste à côté, une salle de spectacle de 170 places. Et on s'est dit, mais comment on va amener le public du bar dans dans cette salle de spectacle de la MJC Pichon? Parce que c'est pas du tout le même lieu. Bien, on va essayer de garder le concept qu'on avait dans le bar, c'est-à-dire on faisait manger les gens, ils buvaient un coup, puis regardaient un humoriste, et puis votaient pour leur préféré du soir. Bon, on va faire la même chose avec plusieurs amis, hein, qui étaient cuisiniers, anciens cuisiniers et comédiens, qui a fait pendant 10 ans à manger à des gens pendant ce close-up là à la MJC Pichon. On a dit on va mettre de la musique parce que dans un bar il y a de la musique, donc avec les étudiants de la MAI, de la Music Academy, ils mettent tout en musique. C'est pour ça qu'aussi c'est plutôt sympa de ne pas forcément avoir des platines, un DJ, mais plutôt de la musique en live et de l'animation dont je m'occupe et des humoristes, 6 de tout l'est de la France, et puis de plus en plus ça s'est agrandi. Pendant 10 ans on a fait ce close-up là qui fonctionne plutôt bien tous les deux mois, toutes les veilles de vacances scolaires. Et après, on s'est dit, on va essayer de faire un truc un peu plus gros. On va prendre la salle Poirel, 800 places en 2019, ou 900 places, je ne sais plus. Et on va essayer d'exporter ce concept-là, là-bas. Ça a plutôt bien fonctionné. On continue la route là-bas. Et cette année, ça fera, pour le coup, la 4e édition. On n'a pas fait celle de 2020. Et donc, pour expliquer ce qu'est le Gros Clou, eh bien là, on a ouvert les auditions au niveau national, sous vidéo. Il y a 6 humoristes qui sont sélectionnés. Il y a un jury de professionnels, parce que l'idée était aussi de professionnaliser un peu les gens. Donc, ce sont des propriétaires de salles ou directeurs de salles de la région, des responsables de festivals, de résidences, comédie club. Et donc, il y a pas mal de choses qui vont être proposées à ces humoristes-là, ces 6-là, en fonction d'un coup de cœur qu'un producteur de salle peut avoir ou qu'à quelqu'un qui produit du spectacle d'humour dans la Lorraine, eh bien, va dire, tiens, en première partie, je vais en prendre un d'ici. Essayer de faire évoluer un peu nos locaux un peu plus loin et de professionnaliser un peu le secteur. Donc, le Gros Clou est né comme ça. Et le concept, c'est ça. Un jury de professionnels, le public. Il y aura un prix du public, des musiciens sur scène, des humoristes sur scène, de l'animation et puis une grosse soirée. Est-ce que pour vous, le Gros Clou a gagné en popularité ces dernières années? En fait, on a fait ça avant le Covid. C'était salle comble, les gens venaient plus facilement dans les salles. Et de toute façon, depuis cette phase-là, c'est un peu plus compliqué de remplir les salles. Je pense en popularité parce qu'on en parle le plus. Automatiquement, ça fait 4 ans. Maintenant, je pense qu'il reste encore une bonne marge pour le rendre encore plus populaire. Puis que les gens viennent se déplacer pour simplement voir des gens qui ne sont pas connus. C'est ça, ce n'est pas des stars de l'humour. Ce sont des gens dont on fait un travail de local et en local et de proximité. Donc, c'est pour faire émerger des talents du coin. Ce n'est pas forcément au niveau national et international. Alors, certains entament après des carrières. Mais par exemple, là, il y aura un jury de professionnels. Ce sont des programmateurs des salles du coin. Ce sont des responsables de festivals. Ce sont des directeurs de salles, de résidences. On va leur proposer des choses pour essayer de se professionnaliser. Quel type de public est attendu à l'événement? Parce que j'imagine qu'il faut des gens qui rient facilement. C'est pas facile de rire facilement, hein, parce qu'en fait, on fait rire ou on fait pas rire. Non, mais c'est vrai, c'est naturel, on se force pas. Alors moi, je fais l'animation du truc, donc j'essaye de les forcer un petit peu à rire. Mais on a un public large. Un peu, le public de salle de spectacle n'est pas le même public que de comédie club de bar. Le comédie club dans les bars, il est plus jeune. À peu près votre âge, même assez jeune, mais on va dire jusqu'à 20-25 ans. Et après, dans les salles de spectacle, parfois, il est plus âgé. Pourquoi? Je sais pas, parce que la salle, ça imprime quelque chose de plus sérieux, peut-être. Mais en tout cas, oui, un public nombreux est juste déjà cool et curieux de voir des gens qui ne connaissent pas essayer de faire des blagues, parce que c'est déjà difficile. Hein. Quand on n'est pas connu, de monter sur scène et de faire des blagues et de se taper un four derrière, c'est pas toujours évident, quoi. Il y a sûrement des blagues qui sont un peu trop osées pour des plus jeunes, donc il y a une restriction restrictions d'âge. Ouais, alors je pense qu'après, quand on a moins de 12 ans, 11 ans, 10 ans dans une salle de spectacle, c'est parfois un peu compliqué. Mmh. C'est de l'humour un peu plus adulte. Parfois, par contre, il y a de plus en plus de jeunes humoristes de 15, 16 ou 17 ans. Moi, j'en ai mis plein sur scène, pour le coup, qui sont passionnés d'autres humoristes plus grands et qui ont envie d'essayer. Eux, ils font des blagues d'ado, de leur niveau. Mais là, la sélection, on va dire qu'elle est un peu plus âgée. Ça va aux alentours de 25, 30 ans jusqu'à une quarantaine d'années. Et pour tous ceux qui n'y sont jamais allés, comment vous décriviez l'événement? Non, l'ambiance qu'il y a. L'ambiance, elle est vraiment conviviale. C'est vraiment un truc populaire qui se veut pas élitiste particulièrement. C'est alors que la salle Poirel peut imprimer un truc comme ça, hein, sur ceux qui ne connaissent pas la salle Poirel à Nancy, ça peut même ressembler un peu à une dimension d'opéra, de choses comme ça. Et donc nous, on essaye de briser, on brise les barrières de toute façon avec le public parce qu'on lui parle directement. Et l'ambiance, elle est vraiment libérée, interactive. Voilà, on échange avec les gens qui sont sur scène et dans la salle. Pour vous qui organisez l'événement. C'est quoi les obstacles dérangeants, on va dire? Bah ici, c'est ça l'obstacle dérangeant, c'est que qui va voir en spectacle des gens qui ne connaissent pas, hein? Quand on fait un concert, on va voir quelqu'un qu'on connaît, on va voir un humoriste, on va voir des fois quelqu'un qu'on connaît. Là, c'est de venir par curiosité, donc c'est plus difficile à remplir une salle comme la salle Poirel, parce que c'est 900 places. Quand on se dit, bah voilà, on va découvrir des talents. Alors ça, ce sont là pour la salle Poirel, ce sont des gens expérimentés, par contre, hein, mais en local. C'est-à-dire que tu les vois peut-être pas, tu les vois peut-être sur les réseaux sociaux, mais à petite échelle, ou tu le vois sur des scènes, mais je le dis bien encore en local. Donc il faut venir avec de la curiosité, envie de découvrir, avec de la sympathie aussi pour les gens qui font de la scène. Et c'est peut-être ça la plus grosse difficulté, c'est que voilà, ce sont des gens qui ne sont pas connus. Mais par contre, le gros clou, c'est un concept général, donc on s'amuse, il y a de la musique, il y a plein d'autres choses aussi en dehors de la scène. Quel impact aura du coup le gros clou? Est-ce qu'il se fera plus connaître? Bah c'est ça, c'est l'idée, c'est qu'on continue. Parce que moi j'avais toujours dans l'idée de faire un festival ici, et un festival comme j'en ai vu dans certaines villes où, par exemple, sur trois lieux de jauges différentes. Des jauges différentes, ce sont des salles avec plus ou moins grosses. Une petite jauge, 100 places, 19h par exemple pour les talents locaux. À 20h, une jauge un peu plus grande, ça peut être 400-500 places, mais c'est compliqué à Nancy de la trouver cette salle-là parce qu'elle n'existe pas. Tu vas avoir des talents un peu plus nationaux. Puis après, en deuxième partie ou troisième partie de soirée, à 21h, des gens qui sont connu au niveau de l'humour. Donc faire un festival, pourquoi pas 3 jours comme ça? Ça pourrait être la suite logique. Maintenant, il faut que le gros clou aussi s'installe et puis que les gens continuent à nous suivre tout au long de l'année. Donc pour ça, effectivement, il ne faut pas hésiter à aller sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle le close-up pour la plus petite version. Le gros clou sur Facebook, Instagram, ouais, c'est l'essentiel des réseaux sur lesquels nous sommes. Et de se donner rendez-vous à la salle Poirel le 28 juin. Alors il y a des billets qui sont toujours en vente hein, sur le site de la salle Poirel ou sur, parce qu'on est partenaire, ces deux structures, c'est la MJC Pichon, qui est pas trop loin de la radio, hein, juste Place des Vosges, et l'association Scène de Rire, qui porte le projet. Donc, sur le site de la MJC Pichon, on peut acheter des places aussi. Et bon, vous êtes très nombreux pour l'événement. Ben, j'espère que ça fonctionnera. Ben, merci à vous. Merci. Merci à Aline, du coup. Merci à vous aussi. Puis, à tout le monde. Hein. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.